Ma gueule, renseigne-toi, on sort du trottoir. Ok ma gueule, renseigne-toi, si tu veux nous voir, ça se passera dans la street. J'irai avec Fred d'affronter une équipe anti-flic. J'suis pas de ces types qui parlent de rue sans la connaître. J'suis en manque de fric et les salopes crient sur les toits que j'ai les poches pleines. J'passe des journées dingues avec 2 euros de budget. J'passe mon temps à zoner et j'suis sûr qu'on s'est déjà croisé. Direction Paname, j'suis une métro, bus, RER. Je tue des gens que les polos qui me croisent avec un regard vénère. J'suis bien trop speed et les salopes rêvent de me voir sombrer. J'ai du mal à rester calme, petit le temps, j'viens t'assommer. Donc ferme ta gueule, hey, s'il te plaît, me parle pas. C'est juste un petit conseil car ma haine devient palpable. Frère, dis-toi que nous on vise, que toi tu vois. Ton équipe fait le trottoir, tu oses montrer du doigt. On attaque les gens dans leur matrix à la Roi Enoch. Association dingo dans les anus, on baisse les fiottes. À sauce de dingue. Yeah. Ah ouais? Ah ouais? Apo, apo. J'vais te mettre à l'patte, hey yo, rien à battre du Zeyo. T'es mal à patte, tellement manque de sexe comme Zé Pequeño. Pas les pattes, les rats des Lascar, mais veulent qu'on les gâte. En côté plus, ils m'aiment pas les quatre. J'suis même pas assez chic pour du Celio. Moi j'reste wicked, leur flow rigide. Les MC rap faux, est-ce que les infos deviennent frigides? J'ferai pas qu'un seul tube comme ta bouche pépise. Ah oui, prison type hop et boop délise. Les gars se reposent sur le laurier, s'prennent pour Jules César. Toutes les croisières, baissent des prods bizarres. En plus, leur donne plus trop de plaisir. Quand t'es formaté Ken, de banlieue tard, l'instru commence à dévêtir. Un bulldozer, ma promo, un coup de tonnerre, un micro face à beaucoup de commères. Je veux t'encroquer la vie sur ta glisse gauche, sur un bout de molaire. Eh, hey, tes journées sont les tortures. Tu sors plus, tu dors plus, tu t'aimes plus. Prends un peu de force pure. Tazine Giro, Jogs Capo. Bouhaha.